toute seule à rêver. C'est toute seule qui vit, c'est toute seule à gagner. Il toujours paraît belle pour leur ouvrir l'argent. On s'en capable de courager, leur ou pas gagner. Toujours paraît belle pour leur ouvrir l'argent. On s'en capable de courager, leur ou pas gagner. Toujours paraît belle pour leur ouvrir l'argent. On s'en capable de courager, leur ou pas gagner. Nouvelle méthode. Oh, no!